Rastignac écoutait d'un air stupide et ne pouvait rien répondre. En ce moment, le père Goriot, Bianchon et quelques autres pensionnaires arrivèrent. « Voilà comme je vous voulais, » lui dit Vautrin. « Vous savez ce que vous faites. Bien, mon petit aiglon, vous gouvernerez les hommes. Vous êtes fort, carré, poilu. Vous avez mon estime. » Il voulut lui prendre la main. Rastignac retira vivement la sienne et tomba sur une chaise en pâlissant. Il croyait voir une mare de sang devant lui. « Ah, nous avons encore quelques petits langes tachés de vertu, » dit Vautrin à voix basse. « Papa d'Auliban a 3 millions. Je sais sa fortune. La dot vous rendra blanc, comme une robe de mariée, et à vos propres yeux. » Rastignac n'hésita plus. Il résolut d'aller prévenir pendant la soirée messieurs Taillefer, père et fils. En ce moment, Vautrin l'ayant quitté, le père Goriot lui dit à l'oreille « Vous êtes triste, mon enfant. Je vais vous égayer, moi. Venez. » Et le vieux vermicellier allumait son rat de cave à une des lampes. Eugène le suivit, tout ému de curiosité. « Entrons chez vous, » dit le bonhomme, qui avait demandé la clé de l'étudiant à Sylvie. « Vous avez cru ce matin qu'elle ne vous aimait pas, hein ? » reprit-il. « Elle vous a renvoyé de force, et vous en êtes allé fâché, désespéré. Nigodinos, elle m'attendait. Comprenez-vous ? Nous devions aller achever d'arranger un bijou d'appartement dans lequel vous irez demeurer d'ici à 3 jours. Ne me vendez pas, elle veut vous faire une surprise. Mais je ne tiens pas à vous cacher plus longtemps le secret. Vous serez rue d'Artois, à 2 pas de la rue Saint-Lazare. Vous y serez comme un prince. Nous vous avons eu des meubles comme pour une épousée. Nous avons fait bien des choses depuis un mois, en ne vous en disant rien. Mon avoué s'est mis en campagne. Ma fille aura ses 36 000 francs par an, l'intérêt de sa dot, et je vais faire exiger le placement de ses 800 000 francs en bon bien au soleil.